C'est votre série, c'est Seven Island College. Et c'est dit que le roi de pique sur Radio K College, la radio de Seven Island College. Radio K College. Devinez qui a marqué plus de 10 strikes consécutifs et qui qualifie notre collège pour la finale de la Super Bowling Cup. C'est notre capitaine Kirby Junior. Le proviseur risque bien de lui décerner la quille d'or s'il continue ses exploits. Kirby par-ci, Kirby par-là, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi ce gars-là? Il a un beat de champion et un jeu de boule phénoménal. Ouais bon bah moi je vais aux toilettes, hein, ça va me changer les idées. Oublie pas le cours de poésie. T'inquiète, je m'oxygène et j'y arrive. C'est toi Kirby? Tu pleures? Quoi non? Je transpire de la pupille, c'est une allergie au désodorisant. La lavande, ça me donne des hémorroïdes des yeux. À qui tu veux faire avaler ça? Et tu pleures comme un tout petit. Si tu répètes ça à quelqu'un, je te casse tes billes. Mes billes, ça fait longtemps que j'y joue plus. Tes autres billes, Rod. C'est ça ton problème, Kirby, la violence. Tu essaies de tout résoudre par la violence. Mais je suis dans la mouise, Rod. Pour ne pas dire dans la merde. Je sais qu'on n'est pas tes amis, mais tu peux m'en parler. Le bowling, Rod, c'est le bowling le problème. Notre entraîneur Francis le Belge, il a quitté l'équipe. C'est pas l'entraîneur qui fait le joueur. Tu te gourres. Francis nous refilait des tirs en montant à chaque match. Des pilules bleues pour la concentration, des pilules rouges pour la précision. De la drogue? Ah non, hein, pas de la drogue. Des produits de cyclistes professionnels, des médicaments. C'est pareil. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que Virenque ou Pantanis sont des drogués? Non. C'est des champions. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Faut que tu m'aides pour gagner le championnat. Et en échange? J'arrête de te mettre des crottes de nez dans tes sandwichs. Moi je les préfère comme ça, mais bon. Je vais voir avec Barrett si on peut t'aider. Merci. Ouais, je t'assure, Kirby touche plus sa bille. Au bowling? Bien sûr, et il veut qu'on l'aide. On n'y connaît rien en drogue sportive. En fait, on peut peut-être le dépanner, mon père a des suppositoires à la caféine et ma mère prend des hormones de babouin pour sa ménopause. On met tout ça au mixeur. Et boum! Ouais, ça va le booster! Il gagne sa compète et nous on gagne sa protection. Cool! Et c'est Nick, le roi des piques! Bienvenue à la finale du Super Bowling Cup! Et c'est au tour de Kirby de conclure la manche et peut-être de gagner la finale! Kirby! Kirby! Tiens, Kirby, avale! C'est quoi? Ce que tu sais! Kirby, choisis sa boule. Eh hey mec, qu'est-ce que vous m'avez donné? Un remontant, pourquoi? Je me sens pas bien, Ron. Les kids sont en train de m'attaquer, hein. Vas-y, Kirby, lance la boule. Lance la boule, la boule. Laissez-moi. Kirby n'a qu'à lancer sa boule et la victoire est au bout de son bras. Mon Dieu, il lance la boule dans l'autre sens et brise la vitre de l'entrée. C'est terrible. Victoire du collège de Bayside et consternation pour Seven Island College. Je vous rends l'antenne, c'est terrible. Tu sais, je crois qu'on a fait une erreur, Rod. Ouais. On ne combat pas le mal par le mal. Et on aurait dû l'aider à s'en sortir plutôt que de l'enfoncer. C'est à méditer, mais à mon avis, il va nous casser les dents à son réveil. Ça c'est sûr. Mais on a le temps de se barrer. Allez, viens. Quelques heures plus tard, après le réveil de Kirby... Salut tête de nœud! Bonjour Kirby. Pourquoi t'as un couteau? Pour étriper un mec qui m'a fait perdre Super Bowling Cup! Et attends deux secondes, tu vas pas me faire du mal! Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous avec ce couteau? Rien, je me prépare un sandwich! Dans les toilettes? C'est un gourmand. Ça suffit vous deux! Vous allez me suivre dans mon bureau! C'est la quatrième bagarre cette semaine! En tant que proviseur, je devrais vous renvoyer! Mais le gouverneur vient visiter le collège la semaine prochaine et il voudra, comme à chaque fois, écouter la chorale. Or, nous n'avons plus de chorale. Quelle tragédie. On va passer à marcher. J'oublie les incidents répétés et vous intégrez la chorale. Sinon, c'est la forte. Si je m'engage pas, finis mon brassard de capitaine de l'équipe de bowling. En effet. Et vous, Monsieur Preston, vous acceptez? J'ai un très bel organe et mon père serait furax si je me faisais virer. Alors pourquoi pas? Salut Rod. Salut Kirby. Qu'est-ce que tu fais là? T'as été collé? Non, moi j'ai toujours voulu intégrer la chorale. C'est cool de chanter en uniforme. Bonjour, je suis Jean-Marc, votre professeur de musicologie. Alors on va commencer. Hein. Kirby, donnez-moi un do. Je retire ma chemise et vous verrez un vrai do d'athlète. Vous êtes crétin ou quoi? Je ne vous demande pas un striptease, je vous demande un do. Rod, vous allez me montrer un sol. Là, par terre, un sol avec un beau carrelage. Oh, j'en peux plus, là, vous me cassez les... Enfin, bon, j'en peux plus, là, je les ai dit oui pour dépanner au proviseur, mais... Je m'en vais, je... Attendez, monsieur, je vous ai pas montré mon riz. Oh. Bravo, on l'a fait partir. On va se faire virer du collège. Mais non, on va s'entraîner et devenir les meilleurs. C'est les partitions. C'est quoi? On dirait du Herbert Léonard. Un des plus grands artistes français. On écoute l'original. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. C'est beau. On n'arrivera jamais en 3 jours, il faut connaître le texte par cœur. C'est peut-être une idée. Et elle s'appelle comment ton idée? Playback. On enregistre tranquillement la chanson ici et on la repasse en playback le jour de la représentation. C'est une bonne idée! Plus besoin de connaître le texte! Pour le plaisir! Le jour J. Ça y est, le proviseur est avec le gouverneur Schwarzenegger dans la salle de concert. On y va! Je mets en route le dispositif de playback. Vas-y. Pour le plaisir! Mais qu'est-ce qui se passe, Barrette? T'as pas changé les piles de ton magnéto? Oh, je crois que j'ai oublié. Et voilà, monsieur, c'est fini. C'est court. Excusez-moi, monsieur le gouverneur. Ne vous excusez pas. Tous les autres proviseurs sont fiers de me faire écouter pendant des heures leur casserole de chorale. La vôtre était la plus courte casserole que j'ai jamais entendue. I'll be back. Tant mieux. Je crois qu'on a assuré, les gars.